إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، فمع حبر هذه الأمة وفقيهها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، et Allah Azza wa Jal s'est assis et réservé à l'éminence de science et au jurisconsulte par excellence de cette communauté, qui est Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu arda, qui fait partie de ces hommes dont Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ainsi: il est des hommes qui ont fait un pacte avec Allah, ils étaient véridiques dans leur pacte avec Allah Azza wa Jal. يقول عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله سبحانه وتعالى décrit les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام: il est des croyants, des hommes qui étaient véridiques dans leur pacte avec Allah عز وجل. Parmi eux, ceux qui sont morts et les d'autres qui attendent, mais ils n'ont rien changé. Véridiques, ils n'ont rien changé. Grande caractéristique. Véridiques et en même temps, avec le pacte qu'ils ont fait avec Allah Azza wa Jal, ils n'ont rien changé de la religion d'Allah Azza wa Jal. فَهَاُولَاهِ هُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ قَوْمٌ اخْتَارَهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ وَلِنُصْرَةِ دِينِهِ. حُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. Ceux-là, ce sont les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام. Des hommes que Allah سبحانه وتعالى a choisi pour l'accompagner de son messager عليه الصلاة والسلام. Des hommes que Allah سبحانه وتعالى a choisi pour faire triompher son messager et pour triompher la religion. Cette religion qui est l'islam. Le fait de les aimer, c'est une foi. Le fait de les aimer fait partie de la religion. Le fait de les aimer, c'est une bienfaisance. Et le fait de les détester, c'est une mécréance. Et c'est une hypocrisie. Et c'est le fait de dépasser ses limites. Comme a le dit l'imam Taha'a rahmatullah alayhi dans sa Aqidah et les autres imams de cette communauté. Ashabu Muhammadin alayhi salatu wassalam rijalun man ahabbahum wa salaka sabilahum sa'ida fi dunya wal akhirah. Turidu السعادة الدنيوية وفي الآخرة فعليك بمحبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضاهم. فالذي يبغضهم هذا يدل على شقاوته في الدنيا وفي الآخرة، ومن هنا تعلم غباوة الرافضة أخزاهم الله. لكمبانيون دي بخويت عليه الصلاة والسلام: celui qui les aime, qui prend leur chemin, il aura le bonheur. Il a quiétude dans ce bas monde et dans le delà. Si tu veux avoir la quiétude dans ce bas monde et être dans le bonheur dans ce bas monde, il faut que tu aimes les compagnons du prophète. De là, tu comprends que le fait de détester les compagnons du prophète, ça nous ramène que le malheur dans ce bas monde et le grand malheur dans le delà. D'où, quand tu regardes ceci, il t'apparaît clairement la situation des insensés dans laquelle se baignent الرافضك الله سبحانه وتعالى لموديس. كم يدتست لكمبانيون البروفيت عليه الصلاة والسلام ils sont privés du bonheur dans ce bas monde et dans le delà. A tel point que certains hommes de science عندما وقف على قول الله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. قال: إذا أردت أن ترى هذا حيا أمامك فانظر إلى الرافضة حول الحرم، وجوههم مظلمة عليها الشقاوة. وصدق. Tel point que certains hommes de science, au moment quand il est arrivé à cette parole d'Allah, Azza wa Jal, qui dit, le jour où des visages vont s'embellir, ils vont s'illuminer, et le jour où des visages vont être sombres, ils sombrir, il a dit, Abdullah ibn Abbas dans l'interprétation du verset, il a dit, les jours qui vont être illuminés, éclatant de lumière, ça va être les jours de, les visages des gens de la Sunna. Et les visages qui vont être sombres et sombrir, ça va être les gens de l'innovation. Et cet homme, il a dit, regarde, si tu veux voir ce hadith et ce verset s'accomplir dans ce moment d'avant l'au-delà, il a dit, sors dehors dans le haram et regarde autour, rafida, comment ils sont, leurs visages, ils sont noirs. Ils appellent pas à la sympathie. T'as pas envie d'aller vers eux. T'as pas envie d'aller vers eux. Ils ont des noirs, des visages noirs, des visages qui, hein, ils marchent dans un chemin, toi tu prends un autre chemin. C'est normal. Des gens qui détestent les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce que tu veux qu'ils aient sur leur visage? Hein? Ils portent la malédiction de leur acte. Dans ce bas monde, avant l'au-delà. Et dans l'au-delà, s'ils ne reviennent pas, ils ne se repentent pas, et ils ne prennent pas la voie du puiseur d'Allah Alim, la voie de la sunna, parce qu'il les attend, c'est encore énorme. Qala Azza wa Jal, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Et dans Sourate At-Tawba, c'est un verset qui doit nous marteler notre esprit. Pour qu'on comprenne que l'agrément d'Allah Azza wa Jal est dans leur chemin. Le verset nous dit ceci, Sabiqoun, ceux qui ont accouru les premiers vers le prophète alayhi salam, et qui se sont convertis les premiers parmi les muhajiroun et l'ansar, c'est-à-dire ceux qui ont laissé les premiers musulmans de la Mecque, qui ont quitté la Mecque pour Médine, et leurs alliés qui les ont accueillis à Médine, et ceux qui les suivent à la perfection, qu'est-ce qui leur arrive? Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, eux ils agréent ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé. Hein? Tu veux l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Huma, ils ont reçu l'agrément d'Allah Azza wa Jal sans condition. Mais moi et toi, Akhal Islam, et ceux qui vont venir après, et ceux qui sont venus après les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, pour avoir cet agrément d'Allah Azza wa Jal, et pour agréer cet agrément, et goûter à cet agrément d'Allah Azza wa Jal, il faut que nous les suivions à la perfection. Dans leur aqida, dans leur compréhension, dans leur comportement, dans tout. Ce verset doit marteler pour qu'il nous montre, c'est la voie de notre chemin, la voie de l'agrément d'Allah, Azza wa Jal. Donc il faut qu'on le digère. Il faut qu'on le mette en application. Comment le mettre en application? C'est chercher cette voie-là. Cette voie ne vient pas du vide. Tu vas pas la trouver dans le guide du retard ou autre. Hein? Ou là dans les fondements, les 20 fondements d'Yal Hassan al-Banna ou autre. Ou là dans les Nisab Tablir, d'Yal Jama'at Tablir. Loin de là. Tu vas la retrouver. Dans la parole d'Allah Azza wa Jal, dans l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, avec la compréhension de ces pieux qui sont les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et ceux qui les suivent à la perfection. C'est là où tu vas la trouver. En dehors de là, tu la trouveras pas. En dehors de là, ce ne sont que des ambiguïtés. Aller ailleurs, c'est s'envoyer dans la gueule du loup. Tu vois, tu dis mange-moi. Hein? Tu vas dans les ambiguïtés. Tu vas dans le gouffre. Tu cherches l'agrément d'Allah. Zawajal, il ne faut pas se tromper de chemin. Il faut que tu prennes ce sirat al-mustaqim. Et comme l'a dit plus d'un des exégètes, rahmatullah alayhim, sirat al-mustaqim, c'est Abu Bakr ou Omar. Ils ont dit vrai, radwanullah alayhim. Ils ont dit vrai. Ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, rijal, man abghadahum wa salaka sabilan ghayra sabilihim, shaqiya fi dunya wal akhirah. Les compagnons du prophète, ce sont des hommes. Celui qui les déteste et qui prend un autre chemin que leur chemin, il sera malheureux dans ce bas monde et dans l'au-delà. La preuve, il est dans la parole d'Allah Azza wa Jal. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كان كافيا أن يشاق إذا شاق الرجل الرسول فهذا كافي في أن يكون في الشقاوة الدنيوية والأخروية. ولكن بين الله سبحانه وتعالى واتبع غير سبيل المؤمنين. ومما لا شك فيه أن المؤمنين الذين يدخلون أوليا في هذه الآية هم الذين عايشوا الوحي وعايشوا نزول هذه الآية وهم صحابة رسول الله رضوان الله عليهم. وإلا فالأمر واضح وكافي أن الإنسان يكون في شق ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه الرسول صلى الله عليه وسلم في شق فهو في شقاوة في الدنيا وفي الآخرة. ولكن بين لنا الله سبحانه وتعالى أن هذا سبيل المؤمنين سبيل الصحابة هو الخير كله وهو في نفس ونفس الطريق الذي سلكه محمد عليه الصلاة والسلام وهو الطريق الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للبشرية جمعاء. Donc les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام celui qui les déteste sera malheureux dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans surat Nisa ce verset aussi avec le premier il faut que ce soit notre emblème sur ce chemin. Il faut qu'on le comprenne, qu'on le digère, qu'on le mette en application, qu'il soit une réalité dans notre recherche de la vérité et dans notre pratique de notre religion. Le verset dit ceci, celui qui prend une autre voie que la voie du prophète alayhi salatu wassalam, après avoir connu la guidée, après avoir connu l'épreuve, et qui suit un autre chemin que le chemin des croyants, qu'est-ce qui lui arrive? Nous allons lui faire l'alliance avec ceux qui avec lequel il a cherché alliance, avec ceux avec lesquels il s'est allié, et sa demeure sera l'enfer. Regarde avec moi. Il a dit, celui qui prend un autre chemin que le chemin du prophète, c'est suffisant. C'est suffisant. D'être malheureux dans ce bas-monde et dans le-delà. Et d'être dans la malédiction de Allah, d'être en divergence avec le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a rajouté après, et qui suit un autre chemin que le chemin des croyants. Ce qui fait que le chemin des croyants, et quand ce verset est descendu, j'étais pas là, tu n'étais pas là, Hassan ibn n'était pas là, Sayyid Qutb n'était pas là, Elias n'était pas là, aucun de ces fondateurs, de ces théoriciens de groupe n'était là. Mais qui était là? Abu Bakr, Omar, Uthman, Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu wa ardahum, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, ceux-là. Donc, Sabil Mu'minin en priorité, c'est qui? C'est les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Il est obligatoire, c'est pas un surrogatoire, c'est pas un dessert, comprend ou la comprend pas. Là, c'est une obligation. C'est une obligation d'avoir la même compréhension qu'eux, la même pratique qu'eux, le même comportement qu'eux, la même façon de faire et d'agir et de gérer son commerce, de gérer, de gérer ta vie, etc. Hada qui amène l'agrément de Allah, Azza wa Jal. Et celui qui en dehors de ça, il cherche sa perte dans ce bas monde et dans le delà. Et ceci demande de nous un effort pour connaître ce chemin, un apprentissage, pour être dans ce chemin-là. Sur les chemins, maintenant, les chemins sont nombreux. Des déluges de chemins, déluges d'ambiguïté, déluges de pensées, et de principes fondamentaux. Il faut savoir qu'il y a un chemin, un seul, unique. Parmi toutes ces ambiguïtés, tout ce déluge de chemins et d'égarements, il y a un seul qui amène vers l'agrément. Il ne faut pas le rater. Il ne faut pas le rater. Il faut le chercher avec sincérité. Et quand on le trouve, on mord dedans. Et on se cramponne. Et on regarde plus derrière et avant. Parce que celui qui regarde derrière et avant, ça veut dire qu'il y a de l'hésitation. Il tombe encore. Et les ennemis qui sont dans l'égarement, ils le font tomber encore. Comme cet exemple que donne Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahmatullah alayhi, dans ses livres. La gazelle court très vite. Il dépasse le chien. Mais le chien arrive, il rattrape la gazelle, il peut la tuer. Pourquoi? Parce que la gazelle, quand il court, il regarde en arrière. Et quand il regarde en arrière, il est évidemment que ton mouvement ralentit. Et que tu ralentis, et l'ennemi qui est derrière toi, il t'attrape. C'est pour ça, les ambiguïtés et les idées des égarés, etc. Ils ne vont même pas s'arrêter avec eux. Hein? Tu sais que quelqu'un, c'est un da'iyat kfir. C'est un... Il ne fait que propager les idées des ambiguïtés, etc. Sur les gouverneurs, sur autres, etc. Hada, c'est un da'iyat tbligh. Hada, c'est un da'iyat al-khwani, etc. Tu dois le fuir pour te préserver. Tu dois le fuir pour te préserver. Les puissants d'Allah, qui avaient la science, ils n'aimaient même pas. Ils fuyaient les débats avec les innovateurs. Pour ça, certains de nos frères, certains de nos sœurs n'arrêtent pas sur leur clavier. Tac, tac, tac, je parle avec celui-là. Et après, il attrape plein d'ambiguïté. Et après, il pose la question à celui-là, il pose la question à celui-là, il n'arrête pas. Hein? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait ce que les puissants. Il n'a pas, dans sa recherche, il n'a pas été sur la même voie que les puissants d'Allah alayhim. Il ne s'est pas abstenu de là. Là, les hommes de science, ils te demandent de l'équité, de ne pas les écouter. Pourquoi? Pour te préserver. Hajr al-wiqaya, fait de les délaisser, de délaisser leurs idées, de discuter avec eux, c'est pour te protéger, toi en premier. Ce n'est pas pour... Hein, c'est toi en premier qui dois se protéger. Et nous, dans notre milieu ici, nous devons encore se préserver encore plus. Combien de nos frères et de nos sœurs tombent? Dans Hadlis Sit, combien de frères et de sœurs qui étaient des défenseurs de la Sunna? Maintenant, ils sont les emblèmes et les guerriers contre la Sunna. Regardez comment ils en changent. Hein? Et l'autre jour, j'ai cité l'histoire de Amran ibn Hittan. Un homme de science. Il est tombé amoureux de l'une de ses cousines. Il a voulu se marier avec elle et sa cousine portait les idées d'Al-Khawarij pour la guider de là et la sortir de là. Il s'est marié avec elle, il est devenu lui-même un emblème d'Al-Khawarij. Hein? À tel point qu'il faisait les éloges dans sa poésie à celui qui a assassiné Ali radiallahu ta'ala anhu, Abdurrahman ibn Muljim. Et Allah, qu'est-ce que vous voulez? Et ils avaient de la science. Qu'en est-il de nous qui ne maîtrisons même pas l'arabe? Le biaba, on ne le maîtrise pas, et on va, on cherche, on veut faire des débats avec celui-là, on veut voir, on veut contrer celui-là, etc. Ya akhal islam, préservez-vous, craignez Allah azza wa jal pour votre religion, pour votre cœur. Et en plus, combien de temps de perdre, à perdre derrière un clavier, dans n'importe quoi? Hein? N'importe quoi. Alors que ce temps, tu peux apprendre des versets du Coran. Tu peux apprendre, tu peux avancer dans ton apprentissage d'arabe, etc. C'est pour ça que chez Mohammed bin Hadi al-Madkhali, il dit « Intermout ». Intermout, il dit, il y a longtemps, au début de l'internet, il a dit cette phrase-là. Il a dit « Hada, c'est intermout ». Tu vas à ta perte. Combien? Hein? قراءة حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والعكوف عليها تزيد من الإيمان وتبين لنا موقفنا أين نحن وأين هم. Le fait de lire la vie des compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام, ça augmente la foi et en même temps ça nous remet à notre place de savoir où sommes-nous, hein, dans notre religion, où sommes-nous dans cette voie qui est la voie de nos plusieurs d'Allah alayhim. Fa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu warda, imam wa hibru hadi al-umma wa faqih hadi al-umma. Kam minna ya'rifu ismahu wa kunyatahu? Hein? Avant de débattre avec qui que ce soit. Kam minna ya'rifu ismahu wa kunyatahu? Wa mata aslam radiyallahu ta'ala anhu wa qissata islamih? Abdullah ibn Mas'ud, c'est le jurisconsulte par excellence de cette communauté. C'est l'éminence de science de cette communauté. Il fait, c'est un hibr. Combien de nous connaissent le pseudo d'Abdullah ibn Mas'ud? Sa date de naissance, quand il s'est converti, etc., etc. Pourtant, certains parmi nous connaissent gars, hein? Freud, quand il est né, les problèmes qu'il a eu avec ses femmes, et d'où son complexe, etc. Abdullah ibn Mas'ud et Abu Bakr Siddiq, hein? plus tard, inshallah. Hein? On ne dit pas qu'il n'y a pas des gens qui... Là, loin de là. On dit, on regarde. Hein? On regarde, tout chacun de lui, il se regarde. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هو أبو عبد الرحمن الهذلي المكي المهاجري البدري بدري ومهاجري مناقب شتى حتى ها سي أبو عبد الرحمن الهذلي de la tribu de هذل ها il est مكي parce qu'il est de la Mecque ها il est مهاجري parce qu'il a Il a fait le hijra de la Mecque vers Médine. Il est Badri parce que il a été, il a combattu pendant la bataille de Badr. Ça lui suffit comme honneur d'être Badri Mouhajiri. C'est un énorme honneur d'être des gens de Badr. كان رجلا نحيفا شديد الأدمى وكان لطيفا فطنا وكان رضي الله عنه يعرف بأمه فيقال ابن أم عبد كان يعرف بأمه ابن أم عبد رضي الله تعالى عنه وارضاه دونك أبو عبد الرحمن الهذلي المكي المهاجري البدري رضي الله تعالى عنه وارضاه il était très maigre et il était doué d'une grande raison Et on le connaissait avec le nom de sa mère, le fils de Umm Abd. Ainsi, il était connu au milieu des compagnons du prophète alayhi salam par le fils de Ibn Umm Abd, Abdullah ibn Mas'ud, Abu Abd al-Rahman. ومناقب عبد الله بن مسعود كثيرة جدا ومواقفه عظيمة ونبيلة. Et Les vertus et les qualités d'Abdullah ibn Mas'ud sont nombreuses. Et ses positions dans l'islam sont énormes et sont nobles. Que ce soit en face d'El Moubtadi'a ou là en face des mécréants. Min manaqibihi radiyallahu ta'ala anhu annahu kana min as-sabbaqin al-awwalin ila l'islam. Fait partie de ses qualités et de ses caractéristiques, ce qui faisait partie parmi les premiers qui ont embrassé l'islam. يقول ابن مسعود فيما أخرج ابن حبان وغيره وورده الشيخ ناصر رحمة الله عليه في موارد الظمآن يقول رضي الله عنه لقد رأيتني سادس ستة ما على الأرض مسلم غيرنا الله أكبر وأي شرف هذا سادس ستة il disait que الله سبحانه وتعالى l'agré dans le hadith rapporté par Ibn Hibban et aussi dans Sahih Mawarid Dhamkan de Sheikh Nasr le rapporte aussi, il dit je me suis vu, j'étais le sixième dans l'islam le sixième de six dans l'islam il y avait sur terre que nous en tant que musulmans c'est pas un honneur hein, le sixième à Ibadallah hein? Le Rafida Il kuffar sahaba dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, alors que la mécréance vaut pour eux et non pas pour les compagnons du prophète alayhi wa sallam. Thaniyan min manaqibi qurbuhu min Rasoulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa mujawaratuhu la. Ça fait partie de ses qualités. De ses caractéristiques, c'était proche du prophète alayhi wa sallam. Et il était le voisin du prophète alayhi wa sallam, il était proche du prophète alayhi wa sallam. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وارضاه فيما أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن عبد الله بن مسعود وعن أمه وعن سائر صحابة رسول الله Abu Musa al-Ash'ari, de nous dire dans ce qui est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, il a dit, je suis arrivé, moi et mon frère du Yémen, nous sommes restés un bon bout de temps, et nous croyons qu'Abdullah ibn Mas'ud faisait partie de la maison du prophète, alayhi salatu wa salam, et de la famille du prophète, alayhi salatu wa salam. Parce que nous le voyons souvent rentrer avec sa mère, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala agré la mère d'Abdullah ibn Mas'ud, et tous les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Wa an Abdurrahman ibn Zayd ibn Yazid qal قلنا لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه أجمعين أنبئنا برجل قريب الهدي والسمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ عنه فقال ما أعرف أقرب سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد حتى يواريه جدار بيته ولقد علم المحفوظون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد من أقربهم إلى الله وسيلة. والحديث أخرجه ابن حبان رحمة الله عليه وأورده الشيخ ناصر رحمة الله عليه في صحيح موارد الظمآن. عبد الرحمن بن يزيد هدي رحمه الله زفون دي أ حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. دينو بارلونو annonce-nous, montre-nous un homme qui est le plus proche de la guidée de Mohammed alayhi salatu wasalam, de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam, du comportement du prophète alayhi salatu wasalam, qu'on puisse prendre de lui, qu'on prenne de lui. Regardez. Leurs soucis, où est-ce qu'ils vont? Leurs orientations, ils vont où? Ils cherchent un homme qui est proche, qui met en application la sunna du prophète alayhi salatu wasalam, qui a le comportement du prophète alayhi salatu wasalam. Pourquoi? Pour prendre de lui. Prendre de lui la science qu'il a pris du prophète alayhi salatu wasalam et prendre de lui le comportement qu'il a pris du prophète alayhi salatu wasalam, ainsi de suite. Ah, dans leur but, leur souci, c'était ça. Prendre de quelqu'un, hein, qui a pris du prophète alayhi salatu wasalam et qui est dans sa pratique, dans ses dires, il est sur la même voie que le prophète alayhi salatu wasalam. Il leur a dit, radiyallahu ta'ala anhu warda, Hudayfa ibn al-Yamam, man Hudayfa ibn al-Yamam, sahibu sirri rasulillah. L'homme du secret du prophète, il leur a dit, qui est Hudayfa ibn al-Yamam, leur a dit, je ne connais pas quelqu'un dont le comportement, hein, et dont la mise en pratique, etc., est proche du prophète, que Ibn Ummi Abd. Ibn Ummi Abd. C'est Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu. À tel point que il est abrité par les murs de la maison du prophète alayhi salam. Ça veut dire que il rentre, il sort comme il veut à la maison du prophète alayhi salam. Et les compagnons du prophète alayhi salam savaient, hein, comme le dit ici Hudayfa ibn al-Yamam, hein, que Ibn Ummi Abd était proche d'Allah azza wa jal. Aqrab wasilatan ila Allah. Ils disaient qu'ils savaient qu'ils étaient plus proches d'eux d'Allah Azza wa Jal. Et ça, ce sont des éloges d'hommes, hein, qui ne craignent rien, qui ne craignent qu'Allah Azza wa Jal, et qui transmettent la vérité. Ils sont des véridiques en eux-mêmes. Ils disent dignes de confiance. Tout compagnon du prophète, alayhi salam, grand et petit, c'est des dignes. Les plus dignes de la communauté humaine. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala gouague le sang de ceux qui les détestent. Wa yaqul ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu warḍah, qala li rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, idnuka alayya, qala al-wisam, idnuka alayya, ay fi ad-dukhul, an yurfa' al-hijab wa an tastami'a siwadi, ay sirri, hatta anhaak. يا من يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر هذا الوسام وهذه الثقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لي أبي عبد الرحمن ابن أم عبد رضي الله تعالى عنه وارضاه الحديث اللي rapporté par الإمام مسلم الرسول صلى الله عليه وسلم de dire عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه mon autorisation pour toi c'est de pour rentrer chez moi pour rentrer chez le prophète عليه الصلاة والسلام et que tu écoutes mon secret jusqu'à ce que je te l'interdis. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a donné l'autorisation de rentrer chez lui et d'écouter les secrets du prophète alayhi wa sallam. Hein? Où sont ceux qui insultent les compagnons du prophète alayhi wa sallam? Est-ce qu'au moins ils ont eu cette opportunité et cet honneur d'avoir l'autorisation de rentrer chez le prophète alayhi salatu wassalam et d'écouter les secrets du prophète alayhi salatu wassalam. Ils n'ont pas eu. Hein? Et le hadith il est rapporté par l'imam muslim. Hein? ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسام آخر اقرأ علي القرآن اقرأ علي فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال صلى الله عليه وسلم نعم إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فإذا عيناه تذرفان صلوات ربي وسلامه عليه والحديث عند الإمام البخاري والإمام مسلم عقاد سيت اونور aussi ها اسمو اون ليز ابل كومون لي ميداي دو شوفالي دو لونور اكسيتيرا هذا يا با اون ميداي كي ايغال ا سيلسي regardez عبد الله بن مسعود dans ce qui est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, lis pour moi le Coran, lis que je t'entende lire. Abdullah ibn Mas'ud lui dit, ah Rasoulallah, je vais te le lire pour toi alors que c'est toi qu'il est descendu. Je vais le lire pour toi alors. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, certes, lis, je l'aime entendre de quelqu'un d'autre. Il a commencé surat Nisa, et quand il est arrivé à ce verset, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, stop. Il n'a pas dit صدق الله العظيم. Il a dit حسبك. A dit qu'est-ce qu'il en sera quand on va te ramener, quand nous allons ramener toute communauté. Et de chaque communauté, on ramènera un témoin et nous allons te prendre comme témoin pour tous, sur tous. C'est-à-dire de chaque communauté, il va y avoir un témoin. Et Mohammed alayhi salatu wassalam va être le témoin sur tous. Et quand il est arrivé à ce verset-là, dans Surat Nisa, Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam a dit stop. Là, il s'est retourné, et le Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam pleurait. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Écoute, Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam écoutait le Coran de la bouche de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala. ولما مات ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم لبعض يثنون على ابن مسعود لقد كان يؤذن له إذا حجبنا ويشهد إذا غبنا رواه الإمام مسلم هذا كذلك من مناقبه رضي الله تعالى عنه أنه كان يؤذن له إذا حجب الصحابة عن الدخول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يشهد أمورا وهم غائبون عنها Et quand Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu warda, pour montrer sa valeur et lui faire des jalouses, les compagnons se sont dit les uns aux autres. Il avait l'autorisation de rentrer sur le prophète alayhi salatu wassalam, on ne l'avait pas. Il assistait à des choses, nous, on n'y assiste pas. Le hadith, il est rapporté par l'imam muslim. Ça aussi, c'est un galant d'honneur. Hein? Qui atteste de ce galon? Les dînes de cette communauté. Pas les dînes de la communauté de l'islam seulement, les dînes de la communauté humaine après les prophètes alayhi salatu wassalam, qui sont les compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wassalam. وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَهُ جِئْتُ أَلْتَمِسُ الْخَيْرَ وَأَطْلُبُهُ فقال له أبو هريرة أليس فيكم سعد بن مالك مجاب الدعوة وابن مسعود صاحب طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعليه وهذا في سنن الترمذي والحديث صححه الشيخ ناصر رحمة الله عليه في تعليقه على سنن الترمذي Si maintenant un autre galon, Les galons que reçoivent les hommes dans la mondanité, ce sont des galons éphémères qui partent avec le temps. Vous les oubliez. Hadou non. Hadou, c'est des galons qui t'amènent jusqu'à l'agrément d'Allah Azzawajal. Hein? Qui amènent vers l'agrément d'Allah Azzawajal. Regarde, un homme de Koufa est venu voir Abu Huraira radiallahu ta'ala, lui dit, je viens chercher le bien. Il demandait le bien. C'est-à-dire, il vient chercher la science. Abu Huraira lui a dit, est-ce que parmi vous, il n'y a pas Sa'd ibn Malik pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala exauce du'a, l'invocation. Et il n'y a pas parmi vous Ibn Mas'ud, celui qui porte l'eau de purification du prophète alayhi salatu wasalam et ses babouches et les sandales du prophète alayhi salatu wasalam. Regarde. Cela, ça te prouve quoi? Que c'est l'homme de l'eau d'Allah, de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et l'homme qui porte ses sandales. Ça te prouve qu'il était très proche de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et Adal Khoumaini, les disciples d'Al Khoumaini, ils ne l'ont pas. Ils ne l'auront jamais. Mais ils vont voir l'éloignement du bassin d'Allah, du bassin du prophète alayhi salatu wasalam et de l'agrément d'Allah azza wa jal. ثالثا من مناقبه رضي الله عنه بشارات النبي صلى الله عليه وسلم له. partie aussi de ses qualités, de ses caractéristiques, c'est que les annonces, les bonnes annonces que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a annoncées. عن زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني سواكا من الأرك وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما أثقل من الميزان من أحد وهذا في مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان أي عند الله عز وجل من جبل أحد وما أدراكم ما أحد منهما تعلم غباوة من يبغض صحابة رسول الله ومن يذكر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشر فهذا غبي وأعمى الله بصيرته قال ست بون نوفيل qu'a reçu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Ibn Ummi Abd radiyallahu ta'ala. Zer ibn Hubaysh. De nous rapporter de Abdullah ibn Mas'ud. Il dit que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu était en train de. Il est monté dans un arbre pour arracher, tu sais, le siwak. L'arak pour se curer les dents. Abdullah ibn Mas'ud. Ses pieds étaient fins. Son tibia et toute sa jambe, ils sont fins. Ce qui fait quand il était là-haut, le vent le faisait bouger dans tous les sens. Et ouais, déjà, il était maigre et ses pieds étaient fins. Et les compagnons ont commencé à rigoler. Et Rasulullah leur a dit, de quoi vous rigolez? Il a dit, Rasulullah, t'as vu ces mollets, comment ils sont fins? Il leur a dit, et regarde, là, Rasulullah mettra le galon par Allah que hadouk les mollets d'Al Abdullah ibn Mas'ud sont plus lourds dans la balance chez Allah Azza wa Jal que la montagne de Uhud. Vas-y, la montagne de Uhud, comment elle est? D'où tu te rends compte que ceux qui insultent les compagnons du prophète n'ont pas de clairvoyance? Allah subhanahu wa ta'ala a scellé leur cœur et a scellé leur clairvoyance. Il les a rendus aveugles de l'intérieur. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه لما نزلت قول الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا إلى آخر الآية قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لي أنت منهم الله أكبر الحديث رواه الإمام مسلم قولوا له رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لي من قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لي أنت منهم ابن مسعود منهم والآية لما نزلت حريم الخمر والنهي عن الخمر تمنى أناس من المؤمنين أن يعلموا حال أحوالهم المحال الذين متوا على الإسلام ولكن كانوا يشربون الخمر قبل تحريمها فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية دونك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كنت ديسون دي سو فيرسي كي دون سورة المائدة فيرسي 93 كي دي يا با دو مال بور سو كي اون كرو اي في بون اوفر ils ont aucune gêne dans ce qu'ils ont mangé auparavant ou lorsqu'ils ont bu auparavant, quand ils ont préservé les droits d'Allah Azza wa Jalla, ils ont cru. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, de se tourner vers Abdullah ibn Mas'ud, il lui dit, il m'a été dit que tu fais partie d'eux. Qui l'a dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, à ton avis? Hein? Il dit, tu fais partie d'eux. Encore un galant d'honneur. Ce verset est descendu. La cause de la révélation de ce verset, c'est quand il est descendu, au début du verset, tu as là les versets qui interdisent le vin, la boisson alcoolique. Hein? Et beaucoup de croyants ont espéré de savoir la situation de ceux qui buvaient le vin alors qu'ils étaient musulmans, avant la descente de l'interdiction du vin. Et ce verset est descendu à ce moment. Et quand il est descendu, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné vers Abdullah ibn Mas'ud, il lui a dit, il m'a été dit que tu fais partie de cela. Wa an Zir ibn Hubaysh an ibn Mas'ud qala dakhala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-masjid wa huwa bayn Abi Bakr wa Umar. Wa idha ibn Mas'ud yusalli wa idha huwa yaqra an-nisa fantaha ila ra's al-mi'a faj'ala ibn Mas'ud yad'u wa huwa qa'im yusalli faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam is'al tu'ta is'al tu'ta thumma qala salawatu rabbi wa salamuhu alayh man sarrahu an yaqra al-qur'ana ghaddan kama unzila falyaqra'hu biqira'ati ibn ummi 'abd رضي الله عن ابن أم عبد. فلما أصبح غدا إليه أبو بكر رضي الله عنه ليبشره وقال له ما سألت البارحة؟ قال ابن مسعود قلت اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد عليه الصلاة والسلام في أعلى جنة الخلد. ثم جاء عمر رضي الله عنه فقيل له إن أبا بكر قد سبقك. قال عمر يرحم الله أبا بكر ما سابقته إلى خير قط إلا سبقني إليه. وهذا في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. Écoute cette histoire. Zer ibn Hubaysh de nous dire qu'Abdullah ibn Mas'ud a dit qu'un jour le prophète عليه الصلاة والسلام est rentré dans la mosquée. Alors qu'à sa droite, il y a Abu Bakr ou Omar, et à sa gauche, il y a Abu Bakr ou Omar, l'un des deux. Lui, il est au milieu d'eux. Hein? Qu'on déplaise à ceux qui insultent Abu Bakr et Omar. Hein? Qu'on déplaise. Hadou, ce sont les vizirs du prophète, alayhi salatu wasalam. Hadou, ce sont les khalifs légitimes après Mohammed, alayhi salatu wasalam. Hein? Et que Allah, subhanahu wa ta'ala, châtie comme il se doit ceux qui les détestent et ceux qui les insultent. Et il a dit, radiyallahu ta'ala, Nwarda, Ibn Mas'ud était en train de prier. Il lisait Surat Nisa, et il est arrivé au verset 100. Et à partir du verset 100, Abdullah Ibn Mas'ud commençait à faire dua. Qu'est-ce qu'il imitait dans ces cas-là? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois qu'il passait devant un verset dans le Coran, dans lequel il y a à demander, il demande. Dans laquelle il y a à se réfugier auprès de Allah Azza wa Jalla, il le fait. Salawatul Pi wa Salam. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il suit? Ce qu'il a appris du prophète alayhi salam. Et le prophète alayhi salam est passé à côté de lui, ainsi que Abu Bakr et Omar, et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, demande, il va être, tu seras exaucé. Il te donnera. Demande, il va te donner. Demande à Allah, Allah il te donnera. Ce que tu demanderas, Allah il te donnera. Hein? Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, Abu Bakr et Omar qui étaient autour de lui. Celui qui veut lire le Coran frais comme il a été descendu, qu'il le lise avec la lecture de Ibn Ummi Abd, qui l'honore. Qui dit ça? Qui oriente les gens et les compagnons vers Abdullah ibn Mas'ud et qui dit aux gens, si vous voulez lire le Coran comme il a été descendu, lisez-le comme le lit Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Rasulullah! Celui qui ne parle pas de ses propres passions. Et le lendemain matin, Abu Bakr Siddiq est allé directement à la maison d'Abdullah ibn Mas'ud pour lui annoncer la bonne nouvelle. Donc, quand tu, si c'est un acte aussi, quand tu sais que ton frère va recevoir une bonne nouvelle, c'est pas qu'il lui est pas encore arrivé, d'accourir pour lui annoncer la bonne nouvelle. Hein? Au lieu de jalouser, au lieu de te miner le cœur et de, hein, te miner la santé, tu accours pour lui annoncer cette bonne nouvelle. Regarde Abou Bakr Siddiq radiallahu ta'ala. Le lendemain matin, il est allé directement chez Abdullah ibn Mas'ud pour lui annoncer la bonne nouvelle, ce qu'il a entendu de la bouche du prophète alayhi salam. Et il a dit à Abdullah ibn Mas'ud, qu'est-ce que tu as demandé hier dans ta prière? Il lui a dit, Abdullah ibn Mas'ud lui a dit, j'ai demandé à Allah Azza wa Jal de me donner une foi qui ne s'ébranle pas, hein, qui ne bouge pas, dans laquelle il n'y a pas d'hésitation, une foi solide. Et un bienfait qui ne se tarit jamais, qui ne se termine jamais. Et il l'aura, bi'idnillah azza wa jal, le jour de la résurrection, il aura ça. Et d'accompagner Muhammad alayhi salatu wa salam dans, hein, le paradis éternellement. Il n'y a aucun doute qu'il l'aura, bi'idnillah azza wa jal. Et Omar ibn al-Khattab voulait faire de même, aller annoncer cette bonne nouvelle à Abdullah ibn Mas'ud. Et il lui a dit, Abdullah ibn Mas'ud lui a dit, Abu Bakr est venu avant toi. Il t'a devancé. Et il a dit, Irhamullah, que Allah subhanahu wa ta'ala comble de son bienfait, de sa clémence à Abu Bakr Siddiq, il me devance toujours pour le bien, dans le bien. Il me devance, chaque fois qu'il y a un bien, il me devance dedans. Regardez. C'est-à-dire que nous aussi de même, tu entends une bonne nouvelle, il faut que tu ailles l'annoncer pour ramener la réjouissance à ton frère. Hein? Et non pas, dès que tu entends la bonne nouvelle, ouais, mais pourquoi lui, pourquoi moi, il ne mérite pas, et attends, hein, Allah il donne à qui il veut. Hein? Allah il comble avec, à qui il veut avec ses bienfaits. Même si tu réagis ainsi, tu crois que tu vas l'en empêcher? Loin de là. Tu te fais du mal qu'à toi-même. Tu te mines la santé, tu te perturbes l'esprit, hein? Et ta haine ne fait qu'augmenter vis-à-vis de ton frère. كذلك من مناقبه رضي الله عنه أنه نزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة. Au sens ceux qui insultent les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام. Fait partie des qualités d'Abdullah ibn Mas'ud et de beaucoup de certains des compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام que il y a du Coran qui se lira jusqu'à la fin des temps qui est descendu à cause d'eux et pour eux et concernant leur situation. Abdullah ibn Mas'ud fait partie de cela. Qu'on déplaise à Rafida. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا قال وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الله سبحانه وتعالى شهد لهم بأنهم يريدون وجه الله وبأنهم يذكرون الله صباحا ومساء وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن لا يطردهم وهذا كذلك دليل على أن رسولنا صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ التام لأن هذا نهي من الله سبحانه وتعالى وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر الله سبحانه وتعالى. Dans ce qui est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, Sa'd ibn Abi Waqqas dit, nous étions six chez le prophète, alayhi salam. Et les associateurs sont venus chez le prophète, alayhi salam, et lui ont dit, hein, renvoie ces gens-là, qu'ils aient pas de l'audace sur nous. Hein? Toujours l'orgueil, ce qu'il fait, et les grands des, hein, renvoie-les. On veut pas être avec eux. Et il a dit, radiallahu ta'ala, nous, j'étais moi, Ibn Mas'ud, il y a un homme de Houdaï, de la même tribu que Abdullah Ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala. et Bilal et d'autres hommes, ils ne se rappellent pas de leur nom. Donc ils étaient six. Et Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, à un moment donné, il y a quelque chose en lui qui le poussait à leur dire d'y aller. Et tout d'un coup, Allah subhanahu wa ta'ala a fait cette révélation. Et ne renvoie pas ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, ils veulent. Ils le font sincèrement pour Allah Azza wa Jalla, ils veulent la récompense de Allah Azza wa Jalla. Et Allah subhanahu wa ta'ala a descendu ce verset qui fait l'honneur et qui nous montre la noblesse de ces hommes. Et il a testé comme quoi ces hommes invoquaient Allah Azza wa Jalla matin et soir, sincèrement pour Allah. ومن مناقبه رضي الله عنه أنه حفظ علما كثيرا للأمة الإسلامية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Fait partie de ses qualités aussi qu'il a mémorisé beaucoup de sciences pour cette communauté de l'islam. Mémorisé beaucoup de sciences chez le prophète عليه الصلاة والسلام. Et ceux qui insultent les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام se situent parmi leurs honte urbanée. Ils ont même pas, certains d'eux n'ont que deux ou trois versets du Coran. Dans leur hawzat, dans leur lieu d'enseignement. Il y a certains, ils n'ont pas le Coran. Ils n'ont même pas le quart, ni le tiers du Coran. Des ignorants finis. Hein? Quand on fera un chapitre sur elle, vous allez voir. Ces interbanés, ces ayatollahs. Hein? Le khwal khawi, le bird, des mafios. Des racketeurs, des déyoutes, hein? L'adultère organisé, hein? Le vol organisé, tout, sauf la science, sauf la mémorisation de le Coran. Mais qu'est-ce que tu veux des gens qui insultent des gens que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour accompagner son prophète, alayhi salatu wassalam, est la meilleure de ses créatures, et le dernier des messagers, alayhi salatu wassalam. C'est tellement insensé. Tellement Allah, subhanahu wa ta'ala, il a aveuglé leur cœur, qu'ils ne font n'importe quoi. Allah, comme il a dit Ammar, le hadith dans la chaîne de transmission, ce ne sont que des ânes. Hein? Il parle de l'âne du prophète, alayhi salatu wassalam, qui est affir. Hein? Il parle de la chaîne de transmission commence par nous. Il dit que, hein, mon père, l'âne, qui était dans le bateau avec nous, m'a dit que son père, l'âne, qui était, jusqu'à ce qu'il y aura à la fin des temps, hein, un de ta descendance qui sera monté par le dernier des prophètes. Toute la chaîne de transmission, c'est des ânes. Hein? Qu'est-ce que vous voulez d'un peuple pareil? D'une race qui a fait que sa chaîne de transmission soit les ânes. Qu'est-ce que vous voulez? Hein? C'est pour ça que des hommes de science disent qu'il n'y a pas plus stupide qu'un rafidé sur terre. Plus stupide qu'un rafidé, tu ne trouves pas. Hein? Plus stupide. Ou alors, tu ne trouves pas. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه والذي والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم في من أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ الإبل لركبت إليه يا الله رواه البخاري إمام المحدثين ماشي الكافي إمام الكذابين عبد الله بن مسعود دو نودير كالله سبحانه وتعالى لاكغي par celui qui tient mon âme par Allah عز وجل في السيرمون par Allah عز وجل chaque verset qui est descendu je sais où il est descendu la place où il est descendu il la connaît. C'est une science. La cause de la révélation, l'endroit de la révélation, le pourquoi, le comment, c'est une science qui te permet de bien comprendre les versets. Et chaque verset qui est descendu, je sais pourquoi il a été descendu. Et pour quelle raison il a été révélé? Ah, c'est la science. Hein? Et si je connais quelqu'un qui connaît plus le livre d'Allah Azzawajal que moi, et que les chameaux amènent vers cet homme-là, j'aurais pris mon chameau, je serais allé vers lui. Avec tout ça, pas d'orgueil, la modestie. Si c'est quelqu'un, il a plus que lui, il va aller la chercher. Dans leurs actes, dans leurs paroles, t'as que des leçons. Du matin en soi. Tu n'arrêtes pas d'apprendre avec les compagnons du prophète. Tu n'arrêtes pas. Le comportement, la modestie, la recherche de la science, et ainsi de suite. Le respect du prophète, le respect entre eux, et ainsi de suite. Hein? Chaque verset, là où il est descendu, il sait où il est descendu. Pourquoi il est descendu? Ici, il connaissait quelqu'un qui connaît plus que lui du livre d'Allah, Azzawajal. Il va aller le voir pour l'apprendre de lui. Ah, de ce sont nos modèles. Hein? Mais qui c'est lui? Hein? Certains gars se chamaillent sur Internet. Il y a nos frères étudiants à Médine. Il y a certains qui ont terminé leur cursus à Médine, donc il y a le hadith, comme frère Saad et autres. Mais qui c'est ceux-là? Est-ce qu'on peut prendre deux? Subhanallah! Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? En plus, à l'ouverture de leur séminaire cette semaine-là, vendredi, soir, ils l'ont ouvert avec qui? Avec Cheikh Abdallah al-Bukhari. Hein? Un des hommes de la science. Il est mis en avant par les grands machaïrs. Qu'il y a quelque chose à régler, une réfutation à faire, parmi les grands de la communauté scientifique actuelle, hein, ils mettent en avant Cheikh Abdallah al-Bukhari, hafidhahullah ta'ala, que ce soit Cheikh Rabi, hafidhahullah, ou le Cheikh Ubaid ou autre, Cheikh Najmi ou autre. Et c'est lui qui a fait l'ouverture du séminaire. Vous croyez qu'un homme de science comme Cheikh Abdallah al-Bukhari va faire l'ouverture à des ministres de l'innovation? A'oudou billah. Des fois, les cartes se mélangent pour nous. Tout ça pourquoi? Nous n'avons pas de base. Nous n'avons pas de règles. Nous ne maîtrisons pas les fondements. Et c'est la réalité. Il ne faut pas avoir peur. Et des fois, le médecin, il te donne un médicament qui est amer. Et il t'interdit des bonnes choses que tu aimes pour que tu guérisses. La même chose. Et il y a des paroles, des fois, qui font très mal. Parce qu'il touche la blessure. Il faut l'accepter. Parce que les hommes de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna disent leurs qualités et en même temps ils disent leurs défauts. Et nous devons reconnaître notre défaut. Comment remédier à nos problèmes? Comment remédier à ces lacunes que nous avons? Si on n'accepte pas de regarder clairement nos défauts et de jeter un regard sur nos défauts et de mettre nos défauts, une lacune devant la balance du livre d'Allah, le livre d'Allah, l'authentique de la sunna du prophète, selon la voie et la compréhension de nos plusieurs d'Allah. Al-Awa, comme a dit Waqi' radiallahu ta'ala, nous arda, rahimahullah, yakuluna ma lahum, fakat. Les gens de l'innovation, au moins, ils disent juste leur qualité et ce qu'ils ont fait. Jamais ils parlent de leurs défauts ni leurs lacunes. Loin de là. Et là, on veut être sur la voie de nos plusieurs d'Allah Alim. Donc, il faut qu'on crève les abcès. Hein? Et qu'on touche notre lacune. Yaqul le Shaqiq ibn Salama. Rahimahullah. Khatabana ibn Mas'udin faqal. Wallahi laqad akhadtu min fi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Bid'an wa sab'ina surah. والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. قال شقيق بن سلمة رحمه الله فجلست في الحلق أسمع ما يقولون فما سمعت راو يقول غير ذلك. رواه الإمام البخاري. شقيق بن سلمة un tabiri qui a vécu à l'époque des grands compagnons du prophète alayhi salatu wasalam, parmi eux Abdullah ibn Mas'ud. Il a dit qu'un jour, Abdullah ibn Mas'ud, dans sa khutbah, a dit par Allah, j'ai pris directement de la bouche du prophète alayhi salatu wasalam, 70, plus de 70 versets du Coran, plus de 70 sourates. Combien de sourates il y a dans le Coran? 114. 70, il les a pris directement du prophète, alayhi salam. Qui est le rafidi qui a eu cet honneur? Hein? Qui il est? 70 versets, il les a pris directement du prophète, alayhi salam. Et il dit, les compagnons du prophète, alayhi salam, savait que j'étais celui qui connaît au mieux le livre d'Allah Azza wa Jal parmi eux. Et je ne suis pas le meilleur d'eux. Regardez la modestie. Il savait, tous les compagnons savaient que tu es celui qui a le plus de connaissances sur le livre d'Allah Azza wa Jal. Et il dit, je ne suis pas le meilleur d'eux. Shaqiq radiallahu ta'ala nous dit, rahimahullah, Shaqiq ibn Salama, il dit, et je me suis assis aux autres assises, c'est-à-dire d'autres assises des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, dans d'autres cercles d'enseignement. Et j'ai dit, je n'ai pas entendu un transmetteur qui dit autre chose que ce qu'a dit Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, wa Allah. Ceci est rapporté par l'imam Bukhari. Il ne va pas croire qu'ils vont se réunir pour propager du faux, loin de là, yaqal islam. Hein? Quand il y a tawatur dans le clam, beaucoup rapportent et rapportent là, ils ne se sont pas mis d'accord pour Allah, pour mentir, loin de là, à l'islam. Et les compagnons du prophète, al-islam, sont dignes de cette communauté. Ils ne sont pas épargnés de l'erreur, loin de là, mais c'est les dignes de cette communauté, humaine, après les prophètes, al-islam. Wa an masruqin. قال ذكر عبد الله أي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند عبد الله بن عمر فقال ذلك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود فبدأ به أولا في اللائحة وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل رضي الله عن صحابة رسول الله والحديث عند الإمام البخاري رحمه الله مسروق رحمه الله de nous dire ils ont parlé de Abdullah ibn Mas'ud chez Abdullah ibn Omar. Il a dit da cet homme je l'aime, je ne cesse de l'aimer, je n'ai pas arrêté de l'aimer depuis que j'ai entendu le message d'Allah Azza wa Jal dire apprenez le Coran chez quatre. Il a commencé le début de la liste, c'est qui? Abdullah ibn Mas'ud, le premier de la liste. Et Salim, le serviteur d'Abu Hudayfa. Hein? Et Ubay ibn Ka'b. Ou Mu'ad ibn Jabal. Mais le premier de la liste qui? Qu'a cité le prophète alayhi sallam dans ce hadith d'Al Bukhari? Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu wa Allah. Wa an Zar ibn Hubaysh an ibn Mas'ud annahu qal kuntu ghulaman yafi'an ar'a ghanaman li'uqba ibn Abi Mu'ayt. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وقد فر من المشركين فقال يا غلام هل عندك من لبن تسقينا انظر كيف كان قبل الإسلام قلت إني مؤتمن ولست ساقيكما احنا خدام عنده 10 سنين 15 عام تزف عليه وتيمخر ليه من لاكيس يقول لك هذا غير كافر يقول الله أكبر ويقول كل شيء لا هذا غير كافر ها انظر الأمانة ولم يسلم بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك من جدعة لم ينزع عليها الفحل قلت نعم فأتيتهما بها فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح الضرع ودعا فحفل الضرع ثم أتاه أبو بكر بصخرة منقعرة فاحتلب فيها فشرب وشرب أبو بكر ثم شربت ثم قال للضرع أقلص فقلص فأتيته بعد ذلك فقلت علمني من هذا القول قال إنك غلام معلم قال فأخذت من فيه 70 صورة لا ينازعني فيها أحد وهذا في مسند الإمام أحمد أخذت من فيه 70 صورة لا ينازعني فيها أحد. Maintenant, écoute avec moi, بارك الله فيك. Ce jeune, qui est Abdullah ibn Mas'ud, avant qu'il se convertisse à l'islam, il est hébergé chez quelqu'un. Et regarde, cette confiance et le respect de l'amana qu'on lui a déposé. Alors que parmi nous maintenant, travaille chez un mécréant autre dans une entreprise, on pique. Là, c'est juste l'entreprise du mécréant. Et on pique. Et on prend. On se sert comme on veut. Hein? Mais écoute. Zer ibn Hubaysh, le dit ibn Mas'ud, radiallahu alayhi wa sallam, j'étais un petit jeune. Et j'étais berger pour Uqba ibn Abi Mu'ayt. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr, se sauvaient des associateurs. Ils sont venus vers lui là où il était avec son troupeau. Il me dit, est-ce que tu as un peu de lait à nous abreuver un petit peu de lait? Est-ce que tu l'as? Il leur a dit, moi, c'est un dépôt que j'ai. Et je ne peux pas vous donner. Ça ne lui appartient pas. Hein? Il travaille chez quelqu'un, tu rentres chez lui. Prends. Tu as demandé à ton patron là. Eh, prends. C'est pas grave. Qu'est-ce que c'est pas grave? Comment ça, c'est pas grave? Hein? Donne un autre exemple pour dire, Hadak c'est un compagnon, c'est un futur compagnon. Hein? Là je vais te donner à quelqu'un de proche de nous. L'Utaymin, quand il était à l'université, il remplissait son stylo de l'encre de l'université. Et il écrivait des choses qui ont pour le menhej de l'université, pour le programme de l'université. Et quand il termine, il vide son stylo. Il dit, Hada, c'est juste, c'est l'encre de l'université. Il le vidait. Hein? Combien d'années qu'il est mort, Cheikh Al-Utaymin, Hafdallah? Il y a 6-7 ans. Pour ne pas dire que, attends, mais où est le Cheikh Al-Utaymin, Hafdallah, Rahimahullah, Ta'ala? D'où il l'a tenu? La vie du puiseur, d'Allah, Alim. Les enseignements du Prophète, alayhi salatu wassalam. Ce qu'on propageait et les actes des compagnons du Prophète et ceux qui les suivent à la perfection. Donc, Abdullah ibn Mas'ud dit, moi, on m'a confié. Je ne peux pas, ce n'est pas à moi. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce que tu as une brebis qui n'a jamais été touchée par un mouton, par un mâle, c'est-à-dire qui n'a jamais mis bas. Il lui a ramené une, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a touché, il a mis sa main sur sa mamelle, la mamelle a gonflé. Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala, nouada, va chercher une pierre qui creuse au milieu. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam traite la brebis, la jeune brebis, là. Et il remplit. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam boit, Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala, boit, Abdullah ibn Mas'ud boit aussi. Tout le monde a vu jusqu'à ce qu'il s'est assis. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit à la mamelle, retiens. Et il a retenu. Ça y est, ne lâche plus de lait, ça y est. Et ça, c'est les miracles avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a comblé son messager alayhi salatu wassalam. Et quand il a vu cet acte, Abdullah ibn Mas'ud, il a dit, apprends-moi de ce que tu viens de dire. Hein? C'est-à-dire, la basmala avec laquelle Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a commencé. Apprends-moi de ces paroles-là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu es un jeune qui a déjà appris. À ton avis, pourquoi il lui a dit tu es un jeune qui a déjà appris? Déjà le respect du dépôt. L'amana déjà. L'amana maintenant combien? Tu lui laisses quelque chose, il la néglige. Il la néglige. C'est qadar Allah. Mais quand tu vas chercher, il n'a pas gardé comme il se doit. Hein? Il a été négligent. Mais si il a pris les précautions, etc., et qu'il arrive quelque chose, ça, il n'y a pas de problème. Qadarullah wa shafa'al. Voilà qu'il ne compte négligent, etc. Et le cas le plus flagrant dans cette leçon, c'est ce que nous faisons quand nous travaillons chez un non-musulman. Hein? C'est pour ça que le fait de lire la biographie de nos plusieurs, d'Allah alim, qui sont les compagnons, et ceux qui les suivent à la perfection en partant de Mohammed alayhi salam, c'est le plus noble et le plus grand et le sublime modèle pour cette communauté et le modèle suprême pour cette communauté. Alors, il faut prendre les leçons, il faut les mettre en application. C'est pas des histoires à Tintin et Milo d'autres. Loin de là, Khalislam. Et il dit dans ce hadith rapporté par l'imam Ahmed, j'ai pris du prophète alayhi sallam, de la bouche du prophète alayhi sallam, 70 sourates. Il n'y a personne parmi les compagnons qui peut être en contradiction avec moi sur ce sourate, ou en divergence avec moi sur ce sourate. أخبر عبد الله بن مسعود ذات يوم وعمر بن الخطاب جالس فقال كنيف ملئ علما الله أكبر دون فضائل الصحابة بإسناد صحيح عبد الله بن مسعود غسوة ستلوج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى كنيف ملئ علما دون هذا لي فيرتو دي كومبانيون بروف عليه الصلاه والسلام ديال الامام احمد avec une chaîne de transmission qui est authentique. عبد الله بن مسعود est arrivé un jour et عمر بن الخطاب est assis et il a dit un récipient plein de science de qui et en parlant de عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. L'éloge, ce n'est pas tout simplement de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Sahaba aussi lui font l'éloge. Ils sont unanimes sur la science de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu wa ta'ala. Wa min mawaqifihi kadhalik fi ghazwati Badr al-Kubra radiallahu anhu wa ta'ala. Et maintenant avec ses positions qu'il a eues pendant la bataille de... Maintenant, la position qu'il a eues pendant la bataille de Badr, la grande bataille de Badr. Rawa Abu Dawud fi sunani. والحديث صححه الألباني رحمة الله عليه في تعليقه على سنن أبي داود رحم الله أئمة المسلمين. روى أبو داود في سننه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مر بأبي جهل صريعا فوقف على رأسه وقال أخزاك الله يا عدو الله، ثم جعل يجهز عليه بسيفه قال فلم تغن عني شيئا فما زلت أضربه حتى سقط سيفه من يديه فضربته به حتى برد. Abdullah, Abu Daoud nous a rapporté ce hadith qui est authentifié par Cheikh Nasser dans Sunan Abi Daoud. C'est qu'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala, il est passé à côté d'Abu Jahl alors qu'Abu Jahl il est tombé. Yak, il était par terre. Et il est resté sur sa tête, il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala te maudisse, ennemi d'Allah azza wa jal. Et il a commencé à le poignarder avec un A et à le combattre avec son épée. Et il a dit j'ai plus rien. Jusqu'à, il a dit, j'ai continué à le frapper jusqu'à ce que son armure soit tombée de sa main. Et je l'ai prise, je l'ai frappé avec. C'est-à-dire, il l'a frappé avec l'armure, avec l'arme de d'Abu Jahl. Et il l'a tué, il a dit, jusqu'à ce que j'ai senti la froidure de son corps. Hatta barit. Jusqu'à ce qu'il est devenu froid. Jusqu'à mort s'en suive. Radiallahu anhu. Il a tué le pharaon de cette communauté. Le plus grand ennemi de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Kadhalika mawqifuhu radiyallahu anhu fi inkar al-bid'ah. Sa position où il doit Allah alayhi dans le fait de blâmer l'innovation. Abdullah ibn Mas'ud huwa alladhi qala ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Wa hadha fi sunan Tirmidhi rahimahullah. Wa huwa alladhi qala al-iqtisad fi as-sunnah أحسن من الاجتهاد في البدعة وهو في المستدرك عند الحاكم والحديث أورده الشيخ ناصر رحمة الله عليه في صحيح الترغيب والترهيب. C'est maintenant ses positions contre les innovations. Il dit رضي الله تعالى عنه وارضاه Abdullah ibn Mas'ud, c'est lui qui a dit suivez et n'innovez pas car vous avez été suffis dans tout, suffis dans ce qui concerne les croyances, en ce qui concerne la compréhension, en ce qui concerne la mise en pratique, rien, tout vous a été transmis. Le chemin, il est complet pour vous, vous n'avez qu'à suivre. Et quel noble conseil il donne à la communauté, radiyallahu anhu wa arda. Vous n'avez rien, vous n'avez plus d'efforts à faire. Que prendre et mettre en application et suivre le chemin que vous a tracé, qui a été tracé par Muhammad alayhi salam et ses compagnons. Que ce soit dans les croyances, dans la compréhension, dans le comportement, dans tout. Et il a dit aussi, l'économie dans la sunna est mieux que le fait de faire des efforts dans l'innovation. Il a dit vrai, parce que l'innovation est retournée à celui qui l'a mis en application. Hein? ça va être un malheur pour lui le jour de la résurrection. S'il ne s'en repent pas, il ne revient pas à Allah Azza wa Jal. Être dans la sunna va te rapporter plus. Parce que tu as respecté la voie que t'a ouvert le prophète alayhi salam, t'a ordonné le prophète alayhi salam. Et parce que tu es resté à suivre les ordres d'Allah et les enseignements de Muhammad alayhi salam. Man ata'ani dakhal al-jannah. Rasoul Azim, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui m'oublie rentre au paradis. Donc toi, si tu es économe dans la sunna, t'as tout le bien avec toi. Mais si tu es, tu fais beaucoup d'actes dans l'innovation. Allah al-Musta'an. Hein? Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala kana harban 'ala al-bid'ah wa 'ala al-mubtadi'ah. قال له أبو موسى الأشعري يوما يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته. عبد الله بن مسعود était dur avec l'innovation et ferme et dur avec les innovateurs. Un jour أبو موسى الأشعري lui dit يا أبا عبد الرحمن, j'ai vu dans la mosquée quelque chose que je n'ai pas reconnu, que je n'ai pas aimé. Quand Abdullah, quand Abu Musa al-Ash'ari a vu ça, son cœur a été réticent à la chose. Il ne l'a pas reconnu parce qu'il a vu un acte que les compagnons n'ont pas fait. Un acte qui n'a pas été fait à l'époque du prophète alayhi salam. Un acte qui n'a jamais été fait à la mosquée du prophète alayhi salam. Ainsi ils étaient. Ils étaient allergiques à l'innovation. Et maintenant on est rejoué devant l'innovation. Viens, on va écouter ce qu'il dit. Il dit bien, il a une belle voix. Hein? Subhanallah. Une belle voix et après l'ambiguïté rentre. Schlack! Hein? Comme un poisson qui saute. Schlack! De l'autre côté. Voilà! Il l'attrape. Après, pour s'en débarrasser, vas-y, Inta. Il téléphone à celui-là. Il téléphone à celui-là. Oh, subhanallah! Nous, que tu vas chercher. Ah, j'ai vu celui-là. Je l'ai entendu. Au début, sa parole était bonne et voilà. Hein? Qala lahu fama huwa? Enfin, les compagnons du prophète, ils étaient allergiques à tout ce qui est contre la sunna, à tout ce qui est le contraire de la sunna. قال له عبد الله بن مسعود فما هو فقال إن عشت فسترى. عبد الله بن مسعود lui a dit, qu'est-ce que tu as vu dans la mosquée? Il lui a dit, si tu vis, tu le verras. Il a commencé à lui raconter. قال له رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة فيهللون مئة ويقول سبحوا مئة فيسبحون مئة. هذا أصل الذكر الصوفي. Il a dit, j'ai vu dans la mosquée des gens qui sont constitués en groupe qui attendent la prière, mais à l'intérieur de chaque groupe il y avait المقدم ديال الحلقة, المايسترو. Ils avaient des pierres, et هذاك le maestro leur dit, glorifie, dites Allah Akbar 100 fois. Ils le disent. Et هذاك l'autre il calcule. Dites la ilaha illallah 100 fois. Et l'autre. Dites Subhanallah 100 fois, et ainsi de suite. هذا c'est l'origine de, l'innovation dans le dhikr d'Yal Sofia. Et dans ce qu'on fait, Ada, dans leur veillée, Ada, les veillées d'Yal Dhikr chez les Yassiniyin. À un moment donné, Yal Mqaddam, le maestro Ada. Il dit, bon, t'kbir! Et tu les entends. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quand ils veulent faire salat al-Nabi, Inna Allah wa malaikatu yusalluna al-Nabi, tout le monde, Allah. Stighfar! Et vas-y, dis. Mqaddam. Hein? D'où ils l'ont pris? C'est comment ils l'ont pris des compagnons du prophète Alassane? Raconte le compagnon où il a vu ça. Hein? Son cœur, il a. Hein? C'est quoi ça? Hein? Il était réticent à ça. Ça lui a fait mal au cœur de le voir. Adullah maintenant, Adullah Zakou, faire ça. Ils disent, certains même disent que ça augmente notre foi. Là, Shaitan, il est en train de t'embellir la bonne voie sur laquelle tu y es. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الله سبحانه وتعالى dit, vous voulez que je vous annonce qui croit qu'il est dans le bien alors qu'il est dans le garment? Ils croient qu'ils sont dans le bien alors qu'ils sont dans l'égarement. Hein? Alors que, ils sont, pourquoi ils sont dans l'égarement? Parce qu'ils sont contraires à la sunna du prophète. Et à la voix de leur puiseur, d'Allah. قال له عبد الله بن مسعود فماذا قلت لهم قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك وانتظار أمرك فهناك ذلك درس لنا نحن il a dit aussi عبد الله بن مسعود lui dit qu'est-ce que tu leur as dit il a dit une leçon à retenir pour nous il dit je n'ai rien dit moi j'ai attendu ton opinion ou ton ordre et maintenant عبد الله بن مسعود C'est-à-dire que nous, si nous devons regarder, pourquoi Abu Moussa al-Ash'ari a agi ainsi? Parce qu'il y a un savant plus grand que lui. Nous aussi, nos autres petits minus, avant de faire quoi que ce soit, nous devons avoir le hic de demander un nom de science. À la leçon aussi. Là, dans tout, il faut que tu prennes la leçon. Il n'y a rien. Tout, dans leur vie, tous les détails, tu as une leçon à prendre. On a une leçon à prendre de ces nobles compagnons du prophète alayhi salam. J'attends ton ordre. J'attends ton opinion. J'ai rien dit. Qala fala amartahum an ya'uddu sayi'atihim wa damanta lahum an la yudayya'a min hasanatihim shay'a thumma madha wa madayna ma'a hatta ata halqatan min tilka al-hilaq fa waqafa 'alayhim fa qala ma hadha alladhi yarakum tasna'un. Il lui a raconté ce qu'il faisait. Il a dit, tu aurais dû leur dire que ils ne vont pas être lésés. Ils seront récompensés, châtiés comme il se doit. S'ils ont dit hasanat, ben ils vont avoir leur compte. Et il a avancé, et tout le monde a avancé avec lui, jusqu'à ce qu'il est arrivé à un de ces cercles-là. Et il leur a dit, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je vous vois faire? Qalu ya Aba Abdirrahman. حسن نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح. Ils ont dit, oh Abba Abdirrahman, ce ne sont que des pierres avec lesquelles on comptabilise. On compte notre takbir et notre tasbih et notre tahlil. Les minus comme nous et le commun comme nous, qu'est-ce qu'il dit? Ben, ils ne font que le bien. Laissez-les. Au lieu d'être dans le café ou dans la maison sociale, ben, ils sont là, ils sont en train d'invoquer Allah Azza wa Jal. Ils ne veulent que le bien. C'est la réaction. Mais l'homme de science, il se classe pendant à la complète de sa science. Il leur a donné la clairvoyance. Il a fait qu'ils soient les protecteurs de cette voie. Et ceux qui ont transmis cette voie classe pendant à la émigrée, écoute sa réaction. قَالَ فَعُدُّوا سَيِّئَاتِكُمْ فَأَنَا ضَامِنٌ أَلَّا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٍ وَيْحَكُمْ أمة محمد ما أسرع هلكتكم. Maintenant écoute la parole de l'homme de science. Il dit, comptabilisez vos péchés. Et je vous garantis que votre hasanat, vous allez en être récompensé. Rien ne sera lésé pour vous. Vous allez avoir votre compte comme il se doit. Malheur à vous, communauté de Mohammed alayhi salam, vous accourez vers votre perte. Il a dit, laissez-les, ils veulent les biens. C'est bien ce que vous faites. Hein? Loin de là. Il les a avertis. Et il leur dit, il attire leur attention. Ha'oulaï sahabatu nabiikum sallallahu alayhi wa sallam. Mutawafiroun. Wahadi tiyabuhu lam tubla. Wa aniyatuhu lam tuksar. والذي نفسي بيدي إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو مفتتح باب ضلالة وفي رأيكم أهدى من محمد ولا بحل الباب ديال الشر ها il leur dit voici les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام ils sont nombreux autour de vous ça te prouve quoi dans un milieu où il y a encore des hommes de science, des gens sont tombés dans un égarement pareil. Et nous, où il n'y a pas un homme de science, hein? 1000 km², tu ne trouves pas un homme de science. Alors que là-bas, au centimètre carré, il y a un homme de science. À cette époque d'Abdullah ibn Mas'ud, à une époque qui a reçu, une génération qui a reçu l'éloge min Allah Azza wa Jal. Hein? Et pourtant, ils sont tombés. Qu'est-ce qu'ils croient qu'il nous arrive à nous? où il n'y a pas 1000, va, calcule, 1000 kilomètres carrés. Où est-ce qu'il en est, hein? Dans les pays d'Europe et d'Amérique, où est-ce qu'ils sont, les hommes de science? Et si Hadou, avec la présence des hommes de science, sont tombés dans ça, nous, qu'est-ce qu'il doit nous arriver? Comment on tombe? On tombe comme des papillons. Pshhh, hein? Le soir, quand il est dans un campement, tu as allumé le feu. Tu entends des fois dans le feu. Pshhh, c'est quoi? Les papillons qui tombent. Ah, la même chose, il nous arrive, nous. Hein? Ah, il ne faut pas être un but de soi. Il ne faut pas être un but de soi. Il faut savoir se préserver. Hein? Et s'éloigner de tout ce qui va t'amener des ambiguïtés. Et tout ce qui va te faire tomber dans le filet de l'innovation et des innovateurs. Il dit, voici les compagnons du prophète, sont nombreux parmi vous. Et voici les vêtements du prophète, ses ustensiles de cuisine ne sont pas encore cassés. C'est-à-dire qu'ils sont proches. Hein? Le prophète, ça faisait pas longtemps qu'il est mort. Et il leur dit, par Allah Azza wa Jal, ou vous êtes sur une meilleure voie que Mohammed alayhi salatu salam, ou vous ouvrez une porte de l'égarement, à votre avis. Hein? Ils sont mieux que Mohammed alayhi salatu salam? Mais dans la leçon, pour nous, il y a des leçons à retenir. Il faut qu'on s'éloigne de l'innovation, des gens de l'innovation. Il faut qu'on se protège. Il faut que, avant de faire quoi que ce soit, ou d'émettre une sentence sur qui que ce soit, ou n'importe quoi, on se dirige vers l'homme de science. Comme il a dit Cheikh Obeid tout à l'heure, dans les conseils. Hein? La yakh al-Islam. Il faut, si tu veux être sauvé, si tu veux épargner ton bas monde, et être qui est dans ce bas monde, et avoir l'agrément d'Allah Azza wa Jal dans le-delà. Qala wallahi ya Aba Abdirrahman ma aradna illa al-khayr. Qala, wasma' kalam al-alim, wal-basir bil-umur. وكم من مريد للخير لن يصيبه وكم من مريد للخير لن يصيبه. Ils ont dit, ya Abd al-Rahman, on réplique à ce qu'il leur a dit, nous ne voulons que le bien. Et combien de novateurs continuent à parler, hein? Ou laisse ceux qui les défendent, mais il a une bonne intention, miskin. Ah, l'islam, moi je ne te parle pas de son intention, moi je parle de l'acte. L'acte, il ne correspond pas à la voie du prophète. L'acte, il tombe en divergence avec la sunna. Point final. Moi, son intention, c'est seul Allah qui sait. Ça ne me regarde pas. Et ça ne regarde personne, ce qu'il y a dans son cœur. Mais l'apparence, l'acte, elle est là. L'apparence est en divergence avec la voie. L'apparence est en divergence avec les enseignements de Mohammed. Hein? Ils lui ont dit, ya Abd al-Rahman, nous ne voulons que le bien. Qu'est-ce qu'il a répliqué? Combien de gens veulent le bien, ils n'y arrivent pas. Pourquoi ils n'y arrivent pas? Parce qu'ils n'ont pas pris le chemin du bien. Parce que Shaitan leur a embellé quelque chose. Ils croient qu'ils sont sur quelque chose de bien, et en réalité ils sont dans le mal, ils perdent tout. Hein? Fada, chaque fois que nous avons une histoire d'un de nos compagnons de prophète, un événement, quelque chose, il faut voir. Il faut le claquer sur nous et voir les leçons que nous devons nous retenir dans tout ça. Hein? Pour aller sur leur voie comme il se doit. Nous voulons l'agrément d'Allah, Azza wa Jal. Nous le voulons pour nous et pour les autres. Pas pour nous seulement. Hein? Parce que le fait d'aimer le bien pour toi, il faut que tu l'aimes. Hein? Et la leçon de Cheikh Obeid, Hafidhallahu Ta'ala, est sur ça. وعليكم السلام ورحمة الله. فقال رضي الله عنه وارضاه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيم والله ما أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنهم. Il a dit, écoutez bien, écoutez cette clairvoyance qu'ils avaient رضوان الله عليهم. Il a dit, notre prophète, alayhi salam, nous a dit, il y a des gens qui vont lire le Coran, il ne dépassera pas leur gorge. Ça veut dire, ils ont des belles voix dans le Coran et tout, mais ils n'ont pas la compréhension. Ils n'ont pas la compréhension. Il dit, par Allah, je ne sais pas si la majorité d'entre eux n'est pas parmi vous. il a dit vrai, radiyallahu ta'ala, la clairvoyance avec laquelle firasatul mu'min, avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé, il a touché vrai. Il était dans le mille, dans ce qu'il a dit. فقال عمر بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. Il a dit, ما أدري لعل أكثرهم منكم. عمر بن سلمة راوي الحديث يقول رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج. Par Allah qu'il a dit vrai. Regardez, il a dit que la majorité de ceux que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a décrits, peut-être leur majorité est parmi vous. Le rapporteur du hadith, Amr ibn Salama, radiyallahu anhu arda, il dit, nous avons vu la majorité des gens de ces assises, de ces cercles, prendre les armes contre nous le jour de la bataille d'Yan Harawan, prendre les armes avec le Khawarij contre Ali, radiyallahu ta'ala anhu arda. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le chemin du compagnon du prophète alayhi salam. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris la compréhension du compagnon du prophète alayhi salam. Pourquoi? Parce que la sunna du prophète alayhi salam est d'un côté et la voix du compagnon du prophète alayhi salam est d'un côté, eux ils sont allés de l'autre côté. Ils ont pris l'indépendance. Ils ont interprété à leur façon. Ils ont pris des versets qui sont descendus pour des mécréants et ils les ont claqués sur des croyants, comme a dit Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, et d'autres parmi les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Voilà ce qui les a amenés. Cela te montre, que nous devons nous cramponner à cette voix de nos puissants, Allah alayhi, dans la compréhension, dans les croyances. C'est pour ça que plus d'un parmi nos puissants, il a dit, غير واحد من السلف ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. C'est pour ça, beaucoup des hommes de science disent, parmi les puiseurs d'Allah alayhi, ceux qui sont passés sont qui veulent venir. Chaque fois qu'un homme innove une innovation, il prend l'épée contre eux, il sort l'épée de son fourreau contre la communauté. Chaque fois qu'un homme innove une innovation, la même chose. Un tas regarde dans ton monde quand tu vas. Bladel, il est sur la sunna ou il est sur la bid'a, il y a le khawarij. Soror et sa compagnie, Abu Qatada, Abu Hamza, ils sont sur la... Qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent à quoi? À sortir les armes contre la communauté de Mohammed alayhi salam, contre les gouverneurs de la communauté de Mohammed alayhi salam. Et à, ils appellent au trouble dans la communauté de l'islam. Vrai ou faux? C'est tout. Donc, nous devons revoir la vie de nos puissants d'Allah alayhi. Revoir les leçons à la lumière et céder avec les enseignements et les orientations des hommes de science. Parce que les hommes de science, à l'islam, et on ne cessera de le répéter. Il faut que ça s'ancre dans notre esprit. Vous avez vu toutes ces paroles d'Ibn al-Qayyim al-Juziyya dans les cours de notre frère Ammar. Les hommes de science ont quelque chose que le commun des musulmans n'a pas. Allah subhanahu wa ta'ala les a comblés avec l'héritage du messager alayhi salatu wassalam. Il leur a donné cette lumière. Et eux, ils t'orientent. Et il calcule les choses à tel point. Hassan al-Basri disait, rahmatullah alayh, la perturbation, avant qu'il apparaît, avant qu'il arrive, une fois qu'il commence à faire la poussière, l'homme de science la connaît. Et le commun du musulman, une fois que la perturbation, la catastrophe est arrivée, il te dit, ouais, il y avait une catastrophe ici, il est passé. Trop tard, qu'est-ce que tu veux faire? Il est passé, ça y est. Oula, Waga, il est rentré dedans sans le savoir. Et où il est temps de dire, fitna. Trop tard. Mais l'homme de science, il te parle de la fitna avant. Tu as eu le gain des élections par le fils en Algérie. On a dit, à Cheikh Al-Albani, ils ont gagné. Et les étudiants, ils étaient contents. Il leur a dit le bruit d'un pétard. Ils étaient attristés à ce moment-là. Deux jours après, ils ont vu. Ils ont vu. Parce que la clairvoyance, cette science, Allah subhanahu wa ta'ala a comblé avec ses hommes de science, et c'est avec cette science qu'ils connaissent la réalité, l'actualité de la communauté. Et avec cette clairvoyance et cette science que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnée, ils mettent les choses à leur place. Ils les sentencent à leur place, et les positions à prendre à leur place. Et qu'on arrête de se faire avoir les hommes de science sont là-bas en Orient, là sont ailleurs, etc., et qu'ils ne voient pas, qu'ils ne connaissent pas notre réalité. Loin de là, akhal islam. La législation, elle est unique. Ta façon de te marier quand tu seras situé en Belgique, ou là situé aux États-Unis, ou là au Maroc, ou là en Arabie Saoudite, la législation de Allah Azza wa Jal, il est unique. Il ne change pas. Il en est de même pour le reste. Hein? Et les hommes de science, c'est eux qui claquent et qui calquent les sentences comme il se doit sur les situations. Il suffit tout simplement que toi, tu sois digne et que tu donnes et tu étales la situation comme il se doit, sans omettre aucun détail, de leur étaler la situation telle qu'elle est à ta sentence, à l'islam. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, j'anna wa iyaakum illadine istami'una al-qawla wa ittabi'una asana. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم وجزاكم الله